je suis pas fatigué. Pourtant je suis motivé. Ton poteau il a la poco toute la matinée. Je me suis coltiné. En bruit direct j'y vais. Pas de calibre au pire, je prends une bouteille d'Ibet. J'ai des drôles d'idées. Ils m'invitent pas à leur dîner. Pour eux je suis bon carimé. Je les ai vus arriver. Moi je manie pas le flingue. Et sur PP je sais tirer. J'ai tiré. J'm'en fous ta nana. La première c'est maman. Envie de me faire la malle. Parce qu'il y a tout qui va mal. J'm'en fous ta nana. La première c'est maman. La première c'est maman. T'as digué quand ta maman. Si tu me vois comme un ennemi. Mais tu verras tout ceci. Tu parles trop de moi mon petit. Fermez ton cul faut que t'essayes. Laissez-moi vivre ma vie. Oh mon ami. Parle pas, j'ai. On m'appelle la machine. Le single jusqu'en Chine. Oh yeah, Lucie. Dans la caisse, ça sent le chili. Vas-y, fou Yati. Ouais, ouais, ouais, Yati. Il me dit, elle t'aime ma fille. Viens, on fait un selfie. Oh, the same. J'm'en fous ta nana. La première, c'est maman. Envie de me faire la malle. Parce qu'il y a tout qui va mal. J'm'en fous ta nana.